Unité 9. Conversation. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, Jeannine? Maman, je n'ai plus rien à me mettre. Que veux-tu acheter? Je veux acheter une robe pour le printemps. Mais n'as-tu pas déjà des robes pour le printemps? Si, mais elles ne sont plus à la mode. Et Jacques, n'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? Si, lui aussi il a besoin d'un blue jeans neuf. Quand êtes-vous libre? Moi, je peux aujourd'hui. Et Jacques? À mon avis, Jacques peut aussi aujourd'hui. Viens-tu avec nous? Non, allez faire vos achats seul. Voulez-vous un peu d'argent? Volontiers, nous sommes fauchés. Répétez. 1. Qu'est-ce qu'il y a, Jeannine? 2. Maman, je n'ai plus rien à me mettre. 3. Que veux-tu acheter? 4. Je veux acheter une robe pour le printemps. 5. Mais n'as-tu pas déjà des robes pour le printemps? Si, mais elles ne sont plus à la mode. 7. Et Jacques, n'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? Huit. Si, lui aussi il a besoin d'un blue jeans neuf. 9. Quand êtes-vous libre? 10. Moi, je peux aujourd'hui. 11. Et Jacques? 12. À mon avis, Jacques peut aussi aujourd'hui. 13. Viens-tu avec nous? 14. Non, allez faire vos achats seuls. 15. Voulez-vous un peu d'argent? 16. Volontiers, nous sommes fauchés. Répondez, répétez. 17. Qu'est-ce qu'il y a, Jeannine? 18. Maman, je n'ai plus rien à me mettre. 19. Que veux-tu acheter? 20. Je veux acheter une robe pour le printemps. 21. Mais n'as-tu pas déjà des robes pour le printemps? 22. Si, mais elles ne sont plus à la mode. 23. Et Jacques? N'a-t-il pas aussi besoin de quelque chose? 24. Si, lui aussi il a besoin d'un blue jeans neuf. 25. Quand êtes-vous libre? 26. Moi, je peux aujourd'hui. 27. Et Jacques? 28. À mon avis, Jacques peut aussi aujourd'hui. 29. Viens-tu avec nous? 30. Non. Allez faire vos achats seuls. 31. Voulez-vous un peu d'argent? 32. Volontiers. Nous sommes fauchés. Écoutez. Jeannine et Jacques ont d'abord regardé les vitrines. Finalement, ils ont fait leurs achats. Jeannine a trouvé une jolie robe de toile. Jacques a acheté un blue jeans. Ils ont dépensé tout l'argent. La robe de Jeannine a coûté 300 francs. Le blue jeans seulement 150 francs. Répétez. 33. Jeannine et Jacques ont d'abord regardé les vitrines. 34. Finalement, ils ont fait leurs achats. 35. Jeannine a trouvé une jolie robe de toile. 36. Jacques a acheté un blue jeans. 37. Ils ont dépensé tout l'argent. 38. La robe de Jeannine a coûté 300 francs, le blue jeans seulement 150 francs. 39. Qu'ont fait d'abord Jacques et Jeannine? 40. Ils ont d'abord regardé les vitrines. 41. Finalement, ont-ils fait leurs achats? 42. Oui, finalement, ils ont fait leurs achats. 43. Jeannine a-t-elle trouvé une jolie robe de toile? 44. Oui, Jeannine a trouvé une jolie robe de toile. 45. Jacques a-t-il acheté un blue jeans? 46. Oui, Jacques a acheté un blue jeans. 47. Ont-ils dépensé tout l'argent? 48. Oui, ils ont dépensé tout l'argent. 49. Combien a coûté la robe de Jeannine? 50. La robe de Jeannine a coûté 300 francs. 51. Et le blue jeans? 52. Le blue jeans a coûté seulement 150 francs. Écoutez. Vous voilà enfin. Qu'avez-vous acheté? J'ai acheté une jolie robe de toile beige. Comment la trouves-tu? Je la trouve très jolie. Où as-tu acheté ta robe? Je l'ai achetée chez Cacherel. Et toi, Jacques, as-tu trouvé un blue jeans à ton goût? Bien sûr. Je l'ai acheté comme d'habitude chez Newman. Très bien. Est-ce que vous me devez un peu d'argent? Non. Nous avons dépensé 450 francs. Combien a coûté ta robe? Ma robe a coûté 300 francs. Le jeans, 150 francs. Répétez. 53. Vous voilà enfin. Qu'avez-vous acheté? 54. J'ai acheté une jolie robe de toile beige. 55. Comment la trouves-tu? 56. Je la trouve très jolie. 57. Où as-tu acheté ta robe? 58. Je l'ai achetée chez Cacherel. 59. Et toi, Jacques, as-tu trouvé un blue jeans à ton goût? Bien sûr, je l'ai acheté comme d'habitude chez Newman. Très bien. Est-ce que vous me devez un peu d'argent? Soixante-deux. Non, nous avons dépensé 450 francs. 63. Combien a coûté ta robe? 64. Ma robe a coûté 300 francs. Le jeans, 150 francs. 65. Vous voilà enfin. Qu'avez-vous acheté? 66. J'ai acheté une jolie robe de toile beige. 67. Comment la trouves-tu? 68. Je la trouve très jolie. 69. Où as-tu acheté ta robe? 70. Je l'ai acheté chez Cacharel. 71. Et toi, Jacques? As-tu trouvé un blue jeans à ton goût? 72. Bien sûr. Je l'ai acheté comme d'habitude chez Newman. 73. Très bien. Est-ce que vous me devez un peu d'argent? 74. Non. Nous avons dépensé 450 francs. 75. Combien a coûté ta robe? 76. Ma robe a coûté 300 francs. Le jeans, 150 francs. 77. As-tu rencontré Marie? 78. Non, je ne l'ai pas rencontrée. 79. Je la cherche depuis une heure. Où est-elle? 80. Elle est peut-être chez Paul. 81. As-tu rencontré Paul? 82. Non, je ne l'ai pas rencontré. 83. Je le cherche depuis ce matin. Où est-il? 84. Il est peut-être chez Martine. Répondez, répétez. 85. As-tu rencontré Marie? 86. Non, je ne l'ai pas rencontré. 87. Je la cherche depuis une heure. Où est-elle? 88. Elle est peut-être chez Paul. 89. As-tu rencontré Paul? 90. Non, je ne l'ai pas rencontré. 91. Je le cherche depuis ce matin. Où est-il? 92. Il est peut-être chez Martine. Écoutez. 93. As-tu acheté la dernière chanson de Marie-Paul Bell? 94. Non, je ne l'ai pas acheté. 95. L'as-tu déjà écouté? 96. Oui, je l'ai déjà écouté, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Répondez, répétez. 97. As-tu acheté la dernière chanson de Marie-Paul Bell? 98. Non, je ne l'ai pas acheté. 99. L'as-tu déjà écouté? 100. Oui, je l'ai déjà écouté, mais je ne l'ai pas trouvé. Écoutez. 101. Ton livre, est-ce que je le donne à Paul? 102. Oui, il le veut. 103. Pourquoi? 104. Parce qu'il doit préparer son examen. Répondez, répétez. 105. Ton livre, est-ce que je le donne à Paul? 106. Oui, il le veut. 107. Pourquoi? 108. Parce qu'il doit préparer son examen. Écoutez. 109. As-tu le dernier livre de François Sagan? 110. Oui, je l'ai à la maison. 111. Le veux-tu tout de suite? 112. Oui, je préfère. Répondez, répétez. 113. As-tu le dernier livre de François Sagan? 114. Oui, je l'ai à la maison. 115. Le veux-tu tout de suite? 116. Oui, je préfère.